14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Aujourd'hui, Franck, vous consacrez ce grand destin à Aliénor d'Aquitaine. Elle a été reine de France et d'Angleterre et elle a joué un rôle majeur dans l'histoire du XIIe siècle. Vous savez, elle aura été jeune la plus puissante héritière d'Occident, au point de faire basculer donc par deux fois la géopolitique européenne lorsqu'elle devient, par ses mariages successifs, reine de France, puis reine d'Angleterre. Et en même temps, et j'allais dire surtout peut-être par sa position élevée, par son fort caractère, par son goût de la culture, et puis, disons-le, par sa longévité, Aliénor a contribué à transformer la société médiévale du XIIe siècle. Elle a modifié notamment le statut que cette époque a réservé à la femme. On est à une époque très passionnante. Le XIIe siècle, c'est formidable parce que c'est ce moment charnière où on passe de l'époque romane à l'époque gothique, si vous voulez. C'est le moment où l'on passe d'un univers qui appartient à la philosophie de Saint-Augustin vers un univers qui est celui de Saint-Thomas d'Aquin, de l'expérience et du renouvellement d'une certaine façon. On passe aussi de la féodalité, avec tout ce que ça pouvait représenter, à la royauté qui à l'époque était un grand progrès. On passe des grands duchés à un certain nombre de nations balbutiantes. Tout ça est assez étonnant. C'est un siècle de renaissance. Mais oui, c'est un très grand siècle, passionnant. C'est un siècle de naissance aussi de la bourgeoisie, bien entendu, mais pour forcer un petit peu le trait, je dirais qu'avant Aliénor, j'exagère un peu, mais c'est pour qu'on note bien la chose, avant elle, les hommes avaient tendance à disposer à leur gré des femmes, les poètes vantaient surtout les beautés de la guerre, si je puis dire, et après Aliénor, ou en tout cas grâce à elle, grâce à ces cours d'amour qu'elle va instituer, les galants seigneurs vont se mettre au service de leurs gentes dames, tandis que les troubadours et les ménestrels vont chanter les douceurs de l'amour courtois. Vous avouerez que c'est nettement plus raffiné. Fortuné tanto fortunera si l'antibus obsedis con sum amici fortunera su ultra di preferis ferrum est fonte quintur fronte campillata sed ferrum vence quintur con canzion cantata. On va entrer dans l'existence de cette jeune Aliénor qui a 15 ans tout juste quand son père, le très puissant duc d'Aquitaine, qui est une sorte de géant de 38 ans, vient à mourir sur le chemin de Compostelle. La voilà donc orpheline, vulnérable, héritière du plus beau des duchés. Et quand je dis le plus beau des duchés, non seulement par sa puissance, par sa position géographique, sa force, ses ressources et ses richesses immenses, mais par sa culture aussi. Vous savez, au palais de Bordeaux, on menait belle vie. On comprend qu'elle Aliénor est aimée la poésie, est aimée la chanson, la danse, etc. parce qu'elle a été élevée dans cet univers-là, dans ces parfums-là et dans ce soleil d'une certaine manière. Avant de rendre l'âme, son père, le duc Guillaume, avait tout de même eu le temps de dépêcher un messager à son seul suzerain, le roi de France, qui est donc suzerain du duc d'Aquitaine, qui lui doit fidélité. Le roi, à l'époque, c'est Louis le Gros, Louis VI de France. Et le duc Guillaume a confié au roi Louis sa fille, pour lui trouver un époux digne d'elle. Alors le roi Louis VI réfléchit un peu, il se dit, alors cette jeune fille est immensément belle, immensément riche, elle a tout. Eh bien elle est faite pour mon fils, tout simplement. Gardons-la dans la famille. L'affaire est rondement menée. On va destiner à l'héritier de la couronne de France, cette héritière du duché d'Aquitaine. C'est un mariage d'héritier qui donc est célébré en 1137 dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux, une jeune orpheline de 15 ans qui apporte dans sa corbeille nuptiale Loiry d'Aquitaine, comme on disait. Autant vous dire carrément tout le sud-ouest de la France actuelle, depuis les Pyrénées jusqu'à Poitiers et même un petit peu au-delà. Elle est unie devant Dieu à ce jeune prince de 17 ans qui va hériter un jour de la couronne de France. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ducs d'Aquitaine ont beau être les vassaux des rois de France, ils sont à la fois plus riches qu'eux, 5 fois mieux pourvus en territoire propre, et surtout, ils se trouvent à la tête des plus brillantes cités, et Bordeaux, et Toulouse, et Clermont, dans cet état de Languedoc encore latinisé, ouvert sur l'Orient, et porteur de toute la culture du monde. Ils se marient donc à Saint-André à Bordeaux. C'est une fête extraordinaire. Ils sont mignons les deux tourtereaux, vous imaginez. Ils sont tout jeunes, évidemment, pleins d'avenir. Ils sont beaux. Leur lune de miel est parfaite. L'humeur est merveilleuse. Et il faut imaginer que le grand cortège qui les emmène de Bordeaux à Paris est un cortège de joie, de fête. Tout le monde est heureux. Et on est à peu près à mi-chemin quand on arrive à Poitiers, justement. On entre dans la ville de Poitiers par le pont de Montiers-Neuf. Et là, arrive un messager à cheval qui apporte une nouvelle fracassante. Le roi Louis VI vient de mourir. Les voilà donc, eux qui viennent de se marier, là, il y a quelques petites semaines seulement. Roi. Les voilà, ces gamins, propulsés sur le trône de France. Ils sont dès à présent le roi Louis VII et la reine Éléonore de France. C'est quand même incroyable. Alors, ils vont rentrer à Paris. Pour Aliénor, Paris, c'est pas Bordeaux, hein. Évidemment, il faut imaginer ce que ce peut-être que Paris à l'époque, hein, le palais de la cité de l'époque. C'est gris, c'est sale, c'est triste, puis il pleut tout le temps. Et ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que cette merveilleuse façade de jeune couple parfait cache en vérité une opposition de caractère entre Aliénor et son mari. Lui est un jeune souverain pénétré de religion. Il ne pense qu'à ça. Vous savez, il est constamment dans la prière, dans la contrition, dans les actions de grâce. Enfin, c'est quasiment un jeune moine d'une certaine manière. Il se destinait du reste à la vie monastique quand la mort accidentelle de son frère aîné l'a renvoyé à la vie civile. Mais il ne s'y est jamais vraiment fait. Dans son esprit, il est resté un clerc d'une certaine façon. Et elle, on ne peut pas dire qu'elle soit pénétrée de religion. Aliénor, c'est autre chose, pas si vous voulez. Non, elle a d'autres priorités dans l'existence. Alors, au-delà d'une question de tempérament, c'est une question aussi d'existence politique pour le roi de France. N'oubliez pas qu'à cette époque, la seule légitimité des rois de France, en tant que suzerain de leurs vassaux, qui sont des vassaux tellement puissants, tellement dangereux, c'est précisément le caractère religieux de leur sacre. Contrairement à tous les autres, eux sont des souverains par la grâce de Dieu. Or, Louis VII est conscient, bien sûr, de cette sacralité. Il la vit à chaque instant de sa vie. Il est le lieutenant de Dieu sur terre. Et donc en face, vous avez une Aliénor qui descend d'une lignée de ducs d'Aquitaine dont la piété n'était sûrement pas la première vertu. Son propre grand-père, qui se voulait poète, affichait un paganisme inspiré des antiques. Autant vous dire que toutes les soirées à Bordeaux finissaient par des bacchanales qui ressemblaient quand même pas mal à des orgies. La jeune reine a appris à vivre très librement et elle est excédée de ce qu'elle considère comme les bondieuseries de son époux. Or, son tempérament à elle est emporté. Faut pas oublier, vous allez voir jusqu'où. Et vous allez voir que ça ne s'arrêtera jamais. Elle s'oppose par ailleurs à la prudence du roi. Il est toujours prudent, il réfléchit à tout. Il est d'un tempérament frileux, si vous voulez, alors qu'elle voudrait tout renverser sur son passage. Résultat, elle passe son temps à l'entraîner dans toutes sortes d'affaires plus ou moins profitables à la couronne de France, et notamment dans des conflits contre les vassaux. Le comte de Toulouse, le comte de Champagne, pour ne pas dire d'un certain nombre de prélats comme l'évêque de Bourges, tous ces grands seigneurs vont devenir bientôt les ennemis personnels de la reine Éléonore. Ça pose de très graves difficultés à la couronne. Et puis, et c'est peut-être encore plus grave, les années passent et aucun enfant ne naît de cette union. Et à cette époque, pour une reine, la stérilité, c'est quasiment un crime. En tout cas, c'est un défaut très grave. Aliénor décide donc de faire repentance publique. Et le 11 juin 1144, elle est avec le roi à Saint-Denis pour l'inauguration du cœur de la basilique édifiée dans un style nouveau, qui ne s'appelle pas encore gothique bien entendu. C'est le vieil archevêque Sugère qui les reçoit. La reine s'adresse pour son acte d'humilité à un autre ecclésiastique, Bernard de Clairvaux, fondateur de l'ordre cistercien, et le saint lui promet un enfant pour très bientôt. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Alors Franck, Aliénor d'Aquitaine a été reine de France et aussi reine d'Angleterre. Elle s'est donc servie de son lien de parenté avec Louis VII pour faire annuler son mariage. Et oui, c'était assez fréquent. Vous savez, au Moyen-Âge, le pape avait, comme il a toujours d'ailleurs, la possibilité d'annuler religieusement les mariages. Et en l'occurrence, il en usait politiquement lorsqu'un souverain voulait se débarrasser de son épouse. C'était dans ce sens-là que ça marchait généralement. Eh bien, on trouvait un lien de parenté. Ça n'était pas difficile entre ces familles régnantes qui se mariaient entre elles. Hein, depuis cousins, des générations, donc on était tous cousins. Il suffisait que le roi déclare que ce cousinage rendait le mariage illégal et on annulait l'union. Bon, ça c'était assez classique. En l'occurrence, avant de faire annuler son mariage, Aliénor prend soin de trouver la rechange, si je puis dire. Et c'est ici qu'intervient la fameuse famille d'Anjou, ces suzerains qui possèdent un grand territoire entre la Loire et la Seine, territoire absolument stratégique et qui intéresse toute la politique de l'Europe de l'époque. Il y a à la tête de ce territoire un duc d'Anjou qui s'appelle Geoffroy, et ce Geoffroy d'Anjou a pris l'habitude de planter, de ficher dans sa coiffure, dans son chef, de ficher un rameau de genêt. Et donc on l'appelle Plantagenêt. C'est l'origine de cette famille de Plantagenêt. Geoffroy a épousé une petite fille de Guillaume le Conquérant, Mathilde, ce qui veut dire qu'il est bien placé pour régner sur l'Angleterre. Il en a d'ailleurs tout à fait l'intention. Ça lui a donné par ailleurs l'héritage de la Normandie. C'est quand même pas rien, hein, cette immense province de Normandie. Et l'ambition des Anjou, si je puis dire, parce que je les appelle les Anjou, il y a le père et le fils, Geoffroy et Henri. Leur ambition, c'est justement, possédant maintenant l'Anjou et la Normandie, d'aller récupérer, si je puis dire, la couronne d'Angleterre, qui est bien faible, car les successeurs directs de Guillaume le Conquérant ne brillent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le trône d'Angleterre. Alors, évidemment, quand ils se sont présentés à la cour du roi de France, ils sont venus en 1151 pour présenter hommage à propos de la Normandie, bien entendu. Aliénor a repéré Geoffroy et accessoirement son fils Henri. Elle a trouvé le père à son goût, le fils aussi, vous me direz, mais le père est régnant. Il est ambitieux, il est énergique, c'est un homme lettré. Il semble même que les excellentes relations qu'ils vont très vite entretenir, le père et le fils, avec la reine de France, explique qu'on ait trouvé très vite une solution aux différends qui opposaient le roi de France et le duc de Normandie. Finalement, tout ça s'arrange. Il est même possible que, dès ce moment-là, un accord secret ait été passé entre Aliénor et les Plantagenêts. En septembre de cette année 1151, Geoffroy va aller se baigner dans le Loir, pas dans la Loire comme on le lit souvent, hein, mais dans le Loir. On est en septembre, les eaux de la rivière sont glacées, le roi prend froid, mauvaise pneumonie, il a beau être costaud, il meurt dans la foulée. Ah, ça ne fait pas du tout les affaires de la reine de France. Le père a disparu. Eh bien, se dit-elle, et après tout, et si je misais sur le fils? Aliénor a quand même 10 ans de plus qu'Henri Plantagenet, qui pour elle est un gamin, mais après tout, elle est elle-même l'héritière du duché d'Aquitaine, elle est en titre pour le moment la reine de France. Eh bien, dès qu'elle va être séparée du roi Louis VII, elle se dit que ce mariage pourrait être organisé. Alors, le problème pour le moment, c'est qu'il faut donc convaincre Louis VII de consentir à cette fameuse annulation du mariage. Évidemment, on a, je vous l'ai dit, tous les moyens de le faire, mais il faut que le roi soit d'accord. Eh bien, la vérité, c'est que Louis VII va se sentir libéré, soulagé de cette femme qui était impossible et qu'il n'avait jamais réussi d'une certaine manière à satisfaire. Il était loin d'imaginer le roi Louis VII, en acceptant l'annulation de son propre mariage, qu'il était en train de créer la future reine d'Angleterre. Alors ça ne s'est pas fait comme ça, il a fallu réunir un concile à Beaugency pour constater le cousinage, permettre l'annulation du mariage avec le roi de France, etc. Mais aussi sec, si je puis dire, Aliénor regagne ses terres, elle s'installe à Poitiers. Et voilà ce que nous dit André Castelot. Redevenue duchesse d'Aquitaine, Aliénor épouse le jeune Henri Plantagenet qui, après s'être fait couronner duc d'Aquitaine à Limoges, va bientôt ceindre la couronne d'Angleterre et étendre ainsi ses possessions de l'Écosse à l'Espagne en passant par la Normandie et les pays de Loire. On sait, nous dit Castelot, ce qu'il en résultera, le joug féodal qui, à la suite de ce mariage, liera désormais les rois d'Angleterre aux rois de France, semblera vite intolérable aux Anglais. Ils voudront s'en affranchir, être leur maître au bord de la Garonne comme ils l'étaient au bord de la Tamise, et ce désir déclenchera 100 années de tuerie, sans oublier la possession jusqu'à nos jours des îles anglo-normandes. Ça n'est certes pas la principale des conséquences de ce mariage tout à fait extraordinaire qui est célébré le dimanche des Rameaux 1152 dans la cathédrale de Poitiers, donc avec le jeune duc d'Anjou. Fête absolument magnifique, on dit que le vin de Bordeaux déjà coule à flot. Et vous imaginez, à Paris, la stupéfaction du roi Louis VII, qui n'avait pas vu le vent venir, si je puis dire, colère noire du roi de France, qui réalise que dans cette affaire, et aux yeux de l'Europe entière, il a été quand même le dindon de la farce. Très bien, il va réagir, alors qu'Henri se trouve déjà à Barfleur, en vue de traverser la Manche pour aller faire valoir ses prétentions à la couronne d'Angleterre, le roi de France l'attaque sur ses terres, en Normandie. Ça va être 6 semaines de combats terribles, combats au terme desquels Langevin se révèle néanmoins assez fort pour imposer à son propre suzerain, pour imposer au roi de France, une paix assez vue. Décidément, ça n'était pas la bonne année pour Louis VII, hein, cette année 1152. Dès l'hiver de cette année 1152, qui est sans doute la plus glorieuse de la vie de notre héroïne de la semaine, hein, dès l'hiver, Henri Plantagenet est donc vainqueur du roi d'Angleterre, qui le désigne comme son successeur. Donc il a battu le roi de France, traversé la Manche, battu le pauvre roi d'Angleterre qui va faire ce roi Étienne, vous savez, à mourir opportunément un an plus tard, au moment même où Aliénor était en train de donner la vie à son premier fils issu du nouveau mariage. Alors elle a donné que des filles au roi Louis VII, et bien voilà qu'avec le roi Henri II, Plantagenet, puisque ça va être désormais son nom et son titre, eh bien, elle a des garçons. Alors, un premier fils. Tout a réussi au-delà des espoirs les plus fous d'Aliénor, qui vient de laisser la couronne de France pour recevoir presque aussitôt celle d'Angleterre. Du même coup, c'est toute la partie ouest de l'ancienne Gaule, hein, du Cotentin jusqu'aux Pyrénées, qui bascule dans le camp de Londres. Et ça affaiblit considérablement Paris, bien entendu. Il est dit, décidément, que les battements de cœur d'Aliénor auraient des conséquences aussi phénoménales pour l'histoire que jadis ceux de Cléopâtre. Pour la nouvelle reine d'Angleterre, on peut dire que la période qui s'ouvre est une belle, une très belle époque. Elle est amoureuse de son jeune époux qui le lui rend bien. Les naissances vont se succéder, vont affermir la dynastie à coups de petits princes. De plus, en pratique, tandis qu'Henri II administre ses états du Nord, Aliénor, elle, a tout loisir de venir reprendre en main ses possessions dynastiques, entendez, son Aquitaine de naissance. Elle redevient couronnée, une sorte de super-duchesse d'Aquitaine, si l'on peut dire. Elle s'installe à Poitiers et elle va y mener une vie fastueuse. Poitiers devient le centre d'une des plus brillantes cours d'Occident. C'est le règne des troubadours, des musiciens. Les fêtes succèdent aux banquets dans le palais des ducs d'Aquitaine, un palais qu'elle ne va avoir de cesse d'agrandir, d'ornementer. Et figurez-vous, Anissa, nous n'étions pas côte à côte à l'époque, et je le regrette bien, que la grande salle des fêtes d'Aliénor d'Aquitaine existe toujours à l'heure où je vous parle. C'est une des plus grandes salles civiles médiévales de France. C'est la salle des pas perdus du palais de justice de Poitiers. Et c'est là qu'il y a 3 ans maintenant, nous avons fait en direct une émission au cœur de l'histoire. Du générique de la série culte Les Rois Maudits à l'instant sur Europe 1, une musique composée par Georges Delerue. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de ce grand portrait que vous consacrez cet après-midi à Aliénor d'Aquitaine. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est le destin d'une grande femme, Aliénor d'Aquitaine, que vous évoquez aujourd'hui, Franck Ferrand. Nous en sommes à son premier mariage, durant lequel elle va participer à la deuxième croisade. Et oui, et c'est elle qui pousse, vous savez, cette croisade, elle va la soutenir. Il ne serait pas étonnant, nous dit le baron Olivier Guichard, qui a écrit sur Aliénor d'Aquitaine, il ne serait pas étonnant qu'Aliénor y ait beaucoup poussé. N'est-ce pas pour elle le meilleur moyen de concilier son tempérament remuant et la religion ? Car elle est bien décidée à y participer elle-même à cette croisade, nous dit-il. Ça, c'est assez étonnant. Et puisqu'elle se plaint déjà d'avoir épousé un moine, eh bien au moins, elle en fera un moine soldat. Comme tous les hommes et toutes les femmes de sa génération, ajoute-t-il, Aliénor a la tête pleine des récits de l'Orient. Après avoir accompli la promesse de Saint Bernard en mettant au monde un enfant, une fille hélas, elle fait en Aquitaine la tournée de ses barons pour les engager dans la croisade. Ça, c'est assez intéressant de voir qu'elle a conservé tout de même une autorité personnelle sur l'ensemble des barons d'Aquitaine, qui ne sont pas rien dès lors qu'il est question de constituer une grande armée et de s'en aller en Orient pour libérer le tombeau du Christ. Comment résister à si jolie, fervente et belliqueuse duchesse, nous dit Olivier Guichard. Ils seront nombreux à l'y suivre. Le rassemblement des croisés se fait à Saint-Denis le 12 mai 1147. Louis et Aliénor à leur tête, ils s'ébranlent pour l'Orient. Une chevauchée de 2 ans et demi, elle a 24 ans. Ça, c'est assez important. Il faut souligner qu'elle est encore une toute jeune femme, bien entendu. À 24 ans, elle a réussi à convaincre son roi de mari et tout le conseil de France de partir pour la croisade. 2 ans et demi d'aventure, littéralement. Ni elle, ni ses compagnons n'en rapporteront la gloire, nous dit Guichard. L'armée est décimée par les Turcs dans les défilés d'Anatolie. Surtout, parvenue en Syrie, elle y reste inactive. Et oui, c'est que Aliénor, en jouant sur la fibre religieuse de Louis VII, est parvenue à le traîner jusqu'en Terre Sainte. Mais elle n'avait pas compris qu'une fois en Terre Sainte, il ne serait pas beaucoup plus actif qu'il ne l'était à Paris. Ils sont donc à Antioche, où règne le prince Raymond de Poitiers. Raymond de Poitiers, c'est un oncle d'Aliénor et qui passe aux yeux de ses contemporains pour un parangon de force et de beauté. C'est le chevalier pur et parfait. Vous savez, cette espèce, si l'on devait, de cette période du XIIe siècle, garder un exemple de chevalier, je pense qu'on pourrait prendre Raymond de Poitiers pour sa force, pour sa droiture, pour sa beauté, pour sa grandeur d'âme, pour son élévation spirituelle même. Il est tout ça à la fois. Il épate complètement ses contemporains et le mieux qu'il puisse faire, ou le pire, c'est qu'il va fasciner sa nièce, bien entendu. Est-ce que la nièce va finir par succomber au charme du tonton ? Certains historiens le prétendent. Ce qui est certain, c'est que la reine va prendre parti pour le prince contre le roi, car ils ne sont pas du tout d'accord. Le prince Raymond de Poitiers est favorable à une intervention forte. Il veut tout de suite partir en guerre. Il est, j'ai envie de dire, c'est un bout de feu. Et d'ailleurs, les gens de guerre sont tout à fait d'accord avec lui. Ils pensent qu'il faut aller reprendre Édesse. Édesse est la cité clé des croisés sur laquelle les Turcs viennent de faire main basse et on ne peut pas rester comme ça. En revanche, le roi Louis VII, lui, n'écoutant que sa foi et son envie irrésistible d'aller prier à Bethléem et à Jérusalem, ne veut pas entendre parler d'Édesse. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Aliénor en a vraiment plus qu'assez de ce mari pusillanime. « Je pensais épouser un homme », avait-elle dit, « j'ai épousé un moine ». Ouais. Elle en est de plus en plus convaincue, elle est excédée, et puisque le roi ne veut pas soutenir le superbe prince Raymond, eh bien, elle va le soutenir et elle va faire mieux que ça. Elle va l'accompagner, elle lui apportera le soutien de ses chevaliers aquitains. C'est-à-dire que maintenant, la discorde n'est plus seulement entre le roi de France et le prince Raymond de Poitiers. La discorde, elle est au sein même du couple royal, entre le roi d'un côté qui veut aller à Jérusalem et la reine qui déjà a pris le chemin d'Édesse. Raymond de Poitiers, l'oncle d'Aliénor, qui est en quelque sorte son grand amour, hein, elle est folle de lui, Il s'est sacrifié, en vérité, pour que le roi de France et toutes ses troupes puissent rembarquer. Si vous voulez, il a servi d'arrière-garde. Il s'est fait massacrer avec ses propres soldats, ce qui a permis à toute l'armée franque d'être rembarquée sans dommage. Or, le roi de France, Louis VII, a compris ce qui se passait, évidemment, entre son épouse et Raymond de Poitiers, et il l'a reprise avec lui, en quelque sorte. Il l'arrache à Antioche. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire l'incident d'Antioche, cette liaison probable avec Raymond de Poitiers qui va être interrompue par le roi Louis VII, qui ramène sa femme. Ils se sont disputés très durement, Louis VII et Aliénor. Et il y a une petite phrase, c'est là que je voulais en venir, qui a échappé à la reine dans le feu de la dispute. Elle était, dit-elle, cousine du roi, leur mariage pouvait donc bien être déclaré nul. Ah, ça pourrait nous donner une indication sur ce qui va bientôt se passer. Le divorce n'est pas trop malaisé. Il suffit de se découvrir une parenté, même assez lointaine, pour demander au pape une annulation. Et vous savez que les papes, pendant tout le Moyen-Âge, n'ont fait que ça, prononcer des annulations au gré des princes, en cherchant toujours des parentés. Or, il se trouve que là, c'est vrai qu'Aliénor, incontestablement, est cousine relativement proche du roi Louis. Elle a fait ses comptes, l'annulation est possible. L'idée fera son chemin, nous dit Olivier Guichard. En attendant, le roi et la reine rentrent en France par voie de mer. Mais ils font nef à part. Ils ne sont pas sur le même bateau. Et alors là, chose incroyable, le navire d'Aliénor est capturé par une escadre byzantine au large du Péloponnèse. Mais quand je vous dis que la vie de cette femme n'est quand même pas banale, vous imaginez cette petite héritière de... Enfin, cette jeune héritière du duché d'Aquitaine, ouais, qui épouse un prince héritier, qui devient aussitôt reine, qui n'arrive pas à donner un héritier au royaume, qui va pousser son mari dans la croisade, qui l'accompagne là-bas, qui va prendre le parti de Raymond de Poitiers contre le roi. Le roi la capture, si je puis dire carrément, la ramène avec lui, et voilà que le bateau d'Aliénor est fait prisonnier par une escadre byzantine. Ce sont les Normands qui vont négocier, qui vont la délivrer et qui vont la ramener en Italie, où Louis, tranquillement, si je puis dire, l'attendait. Ça faisait quand même 3 semaines qu'il n'avait absolument aucune nouvelle de son épouse. Il ne savait pas ce qu'elle était devenue. Et quand elle arrive, quand elle retrouve son mari, Aliénor apprend la mort de Raymond de Poitiers, qui cette fois a été tué à son tour au combat contre les Sarrasins, comme on disait à l'époque. Pour elle, c'est terrible, cette nouvelle. C'est un drame. C'est un drame. Elle faiblit, elle s'alite, elle tombe malade. Alors, on avertit le pape. On lui explique que le roi et la reine de France sont prêts à demander l'annulation du mariage, qu'ils ne veulent plus se parler, enfin tout va au plus mal. Le pape nous dit, encore Olivier Guichard, dûment alerté par Sugère sur les difficultés du ménage, parvient à le réconcilier. Il les conduit par la main à la chambre où il a fait préparer un seul lit. Un second enfant naîtra l'année suivante. Vous voyez quand même que les papes, parfois, j'allais dire, payaient de leur personne pour réconcilier les couples royaux. Oui, un nouvel enfant naît, mais encore une fois, ce second enfant, encore une fois, c'est une fille. Eh ben. Oui, il n'y a pas d'héritier à ce... Comme si ce couple, tellement mal assorti, ne pouvait être fécond du point de vue de la couronne et du point de vue de l'avenir de la dynastie capétienne. Il n'empêche que... Dans l'esprit de la belle duchesse d'Aquitaine, son union avec le roi Louis est déjà morte. Elle en parle au passé. Pour elle, il ne saurait être question de rester pour le restant de ses jours l'épouse de ce mari qui ne la rend pas heureuse, qu'elle n'arrive pas à comprendre. Ils ont depuis longtemps décidé d'accomplir des chemins séparés et l'on verra bientôt Aliénor devenir en quelque sorte l'ennemi de son mari, le roi de France. Vous verrez qu'un jour, beaucoup plus tard, elle deviendra également l'ennemi de son mari, le roi d'Angleterre. Ah, décidément, quel grand caractère! Pour le moment, ce que se demande Aliénor, c'est qui pourrait bien remplacer Louis dans son lit, après tout. Si elle devait, si son mariage devait être annulé, qui pourrait remplacer le roi de France? Cette question, ce sont les comtes d'Anjou, père et fils, qui bientôt vont lui apporter une réponse. Vivre ou ne pas vivre, vivre son rêve même à tout prix, de tout donner le jour et la nuit, s'abandonner à l'infini. Vivre ou ne pas vivre, pour la gloire, pour les sous, pour un rêve devenu fou, faut-il y aller à genoux? Vivre ou ne pas vivre pour cette passion qui nous dévore, où l'on peut voir passer la mort puisqu'elle fait partie du décor. Vivre ou ne pas vivre, être seul, être là, être enfin face à soi-même. Être encore face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, être nu, être bon, être doux face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, être un jour ou une nuit, être en vie face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, renoncer au grand amour, danser sans arrêt. Paradis, est-ce l'enfer? Est-ce la paix, est-ce la guerre? La vie vaut-elle une carrière? Vivre ou ne pas vivre, être seul, être là, être enfin face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, être fort, être faible, être encore face à soi-même. Être nu, être beau, être beau face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, être un jour ou une nuit, être en vie face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, un trio sur Europe 1, Marc Lavoine, Cœur de Pirate et Arthur H. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. La suite avec vous, Franck Ferrand, du grand destin d'Aliénor d'Aquitaine, qui aurait instauré elle-même les cours d'amour. Hein. Oui, alors ça c'est pour le plaisir et l'amusement. Il est évident que Aliénor, par ailleurs, est une femme de tête, qui a soif de pouvoir, une véritable volonté de dominer tout et tout le monde, et que ça ne peut l'amener, tôt ou tard, qu'à la rupture avec son mari, avec le roi d'Angleterre, surtout lorsqu'elle découvre que son mari la trompe. Or, Henri II Plantagenet est un véritable coureur de jupons. Il ne prend même pas la peine de cacher ses idylles avec des maîtresses qui n'ont pas la moitié de l'âge d'Aliénor. Et l'on peut dire que la cour d'Angleterre à cette époque n'est qu'une sorte de fête permanente, une fête dont les échos traversent la Manche et arrivent jusqu'aux oreilles d'Aliénor. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 1166, au moment où Aliénor met son 10e et dernier enfant au monde, c'est un petit Jean qui va devenir Jean Santerre. Vous savez, c'est l'affreux prince Jean de Robin des Bois. Ah oui, bien sûr. Oui, avec son frère Richard Cœur de Lion. Mais tout ça, ce sont les enfants d'Aliénor d'Aquitaine. D'accord. En 1166, donc, Aliénor, c'est facile à calculer, a déjà 46 ans. À l'époque, déjà pour une maman, c'est relativement âgé, mais à l'époque, c'est carrément très âgé. Avec 10 enfants, s'il vous plaît. Voilà, et le roi, lui, n'en a que 35. Alors bon, forcément, et puis loin des yeux, loin du cœur. Bon, en dépit de toute son intelligence, Aliénor n'arrive pas à l'accepter. Elle enrage de voir son mari tout enamouré, notamment d'une certaine Rosemonde de Clifford. Elle est furieuse. Et quand Aliénor d'Aquitaine est furieuse, il vaut mieux ne pas se trouver sur son chemin. Si je ne craignais l'anachronisme, je dirais que le plan manigancé par Aliénor va être machiavélique. En 1169, les trois premiers fils qu'elle a eus avec Henri II sont déjà presque de petits hommes. En tout cas, ils ont l'âge de raison. Henri, dit le jeune, a 14 ans. Richard, qu'on appelle donc Cœur de Lion, qu'on surnomme aussi beaucoup le Poitevin parce qu'il a été élevé beaucoup à Poitiers par sa mère. Richard a 12 ans et Geoffroy 11. Par conseiller interposé, Aliénor va convaincre son mari que le moment est venu de les établir, autrement dit, de remorceler le bel empire de l'Ouest constitué par le célèbre mariage de 1152. Morcelé de la façon suivante, Normandie, Maine et Anjou, donc les grands territoires continentaux à l'aîné, Aquitaine, Poitou au cadet, donc à celui qu'on appelle justement Richard le Poitevin, et puis on donnera au troisième à Geoffroy, on lui donnera la Bretagne. Vous noterez qu'on ne parle pas de Jean, d'où son surnom de Jean sans terre. Ça vient de là, bien entendu. Henri II ne voit pas le danger. Il se dit que oui, après tout, il est temps d'établir ses fils. Tous ses garçons ne sont-ils pas ses fils aimés et aimants? Il se dit qu'il va même faire mieux que cela. En 1170, pour plus de sûreté, il fait, selon l'antique coutume des rois francs, lui qui vient de créer sa propre dynastie, il fait couronner son fils aîné, Henri, qu'on appelle Henri le Jeune. Il l'a fait couronner à Westminster, bien entendu, par anticipation. Ce qui veut dire que désormais, la couronne d'Angleterre est assurée, qu'on a déjà, évidemment, le successeur, qu'il est déjà successeur couronné. Vous imaginez bien que depuis son continent, depuis Poitiers, dans l'ombre où elle manigance tout, Aliénor sourit. Son fougueux époux a donné dans le piège tête baissée. Et le moins qu'on puisse dire est que ça n'est pas une époque faste pour Henri. C'est, il faut que je vous raconte ça en deux mots, c'est l'époque où va disparaître le célèbre Thomas Becket. Thomas Becket, c'était l'âme damnée d'Henri. C'était son conseiller, c'était son ami. Ils étaient vraiment inséparables. On peut dire que Thomas était un peu le cerveau du roi, d'une certaine manière. Il était ce qu'on appellerait nous aujourd'hui son sherpa, si vous voulez. Or, Henri II va avoir l'idée de faire de Thomas Becket un prélat. Il le nomme archevêque de Canterbury et en même temps il est son chancelier. Et il va y avoir à la fois dans les mêmes mains, dans les mains de Thomas Becket, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et Thomas avait prévenu Henri, il lui avait dit « si tu me donnes les deux pouvoirs, je serai d'abord un homme d'église ». Et l'intérêt de l'église va toujours primer du point de vue de Thomas Becket, ce qui rend Henri furieux, fou de colère. La dispute, le divorce, si je puis dire, entre les deux est tel que Thomas Becket finit par se réfugier sur le continent. Il va même aller s'installer à la cour de France, après quoi il revient finalement en Angleterre. Et c'est là que Henri ne commandite peut-être pas tout à fait le coup de force contre son ministre, mais en tout cas laisse entendre que si on pouvait le débarrasser de Thomas Becket, il serait heureux. Et on va voir cette scène absolument hallucinante de ces trois chevaliers portant les armes d'Henri Plantagenet qui entrent dans l'abbatiale elle-même et qui sur l'autel même pendant la messe vont tuer Thomas Becket. C'est un assassinat absolument terrible, qui va avoir une répercussion considérable dans toute la chrétienté et qui fait que aujourd'hui encore, lorsqu'on parle d'Henri II Plantagenet, on a tendance à le présenter comme l'assassin de Thomas Becket. Ça lui aliène bien entendu le Vatican, ça lui aliène un grand nombre de cours continentales et puis une bonne part de ses peuples. Henri aura beau faire amende honorable, il aura beau venir pieds nus et la corde au cou demander le pardon de l'Église, il n'en a pas moins perdu la main et pour Aliénor, le moment est venu de contre-attaquer. En 1173, lors d'un grand conseil à Limoges, son fils aîné qui maintenant a 18 ans va s'opposer ouvertement, publiquement à son père sur la question de la dotation du dernier des frères, le fameux petit Jean sans terre. Le père tombe des nues, il ne s'attendait pas du tout à cette sorte de révolte interne à sa propre famille. On imagine la surprise d'Henri qui se tourne vers son épouse, qui ne peut s'empêcher évidemment de voir derrière ce coup bas la signature d'Aliénor qui a réalisé, elle, de son côté, une sorte de petit coup d'État. Henri va décider à ce moment-là de reprendre les choses en main, de remettre ses fils sous sa coupe, notamment ce Henri le Jeune, il ne le quitte plus d'un pouce. Seulement un beau matin, à Chinon, le jeune roi, après tout il a été couronné, c'est pour ça que je me permets de l'appeler le roi, va fausser compagnie à son père et courir chercher refuge auprès de qui? Alors c'est là que l'histoire, quand on dit que la réalité n'est pas sa fiction, vous avouerez que c'est quand même incroyable, le fils d'Henri II, Plantagenet, va venir chercher refuge auprès du roi de France, Louis VII, qui est le premier mari de sa mère, si vous vous rappelez bien. Oh là là. C'est quand même assez extraordinaire. Louis VII est heureux de recevoir Henri le Jeune à Paris. Il tient sa revanche. Bien entendu, Paris restera sourd à toutes les injonctions de Londres. Et désormais, vous pouvez faire confiance au roi Louis VII pour envenimer encore la querelle entre le roi Henri et ses fils. Quand Richard et Geoffroy vont gagner à leur tour la cour du premier mari de leur mère, Henri II décide là vraiment qu'il est temps de relever le gant. Il réunit une armée, il descend vers l'Aquitaine, vers les terres insoumises de sa terrible épouse. Et là, Aliénor comprend bien que le vent est en train de tourner, de nuit.